Chapitre 5. Pendant que Jean de Mirande emmenait dîner chez Fouillot un petit garçon qu'il avait trouvé dans le Luxembourg, Paul Cormier, que l'enfant n'intéressait guère, prenait en fiacre le chemin du Marais. Mais ce n'était pas pour aller dîner chez sa mère. Il ne l'avait pas revue depuis le dimanche qui avait si mal fini, et il ne tenait pas à la revoir avant d'être certain que l'affaire du duel n'aurait pas pour lui de suite trop grave. Il allait chez Bardin pour lui demander où en étaient les choses depuis la malencontreuse scène qui s'était passée la veille dans le cabinet du juge d'instruction. L'avocat devait être au courant, car il avait très certainement revu son fils, et il ne refuserait pas de renseigner Paul, en considération de sa vieille amie Madame Cormier, qui ne savait rien encore, et qu'il fallait préparer avant de lui apprendre la triste vérité. Paul s'attendait pourtant à être très mal reçu rue des Arquebusiers. Mais il était décidé à tout supporter pour entrer en grâce auprès du père Bardin. Il savait que le bonhomme dînait à 6h30 et qu'après son dîner, il était presque toujours de bonne humeur. Il prenait donc bien son temps et il calculait qu'il arriverait juste au moment où Bardin sirotait son café, appuyé de 2 ou 3 verres d'une eau-de-vie presque centenaire, un cadeau de Madame Cormier. Paul s'était fort attardé à la grille du Luxembourg avec Mirande, et la nuit était venue quand il arriva à la porte de la maison du vieil ami de sa mère. En levant les yeux pour regarder s'il y avait de la lumière au 3e étage, il fut un peu étonné de voir les 3 fenêtres de l'appartement brillamment éclairées. Bardin, d'ordinaire, n'illuminait pas ainsi, et comme il ne recevait jamais que son fils, il était difficile de supposer qu'il donnait une fête. Enfin, cette profusion de clarté prouvait qu'il n'était pas sorti. Et Paul, qui ne craignait rien tant que de ne pas le rencontrer, s'empressa de monter. La servante, qui vint lui ouvrir, lui dit que son maître attendait quelqu'un. Mais elle le fit entrer, et, en traversant la salle à manger, il put voir sur la table un souper froid des plus appétissants. Il remarqua même qu'il n'y avait qu'un couvert, ce qui prouvait surabondamment que le bonhomme n'était pas en bonne fortune. Paul le trouva assis dans son cabinet, devant un dossier étalé sur son bureau. Et Bardin, quand il entendit ouvrir la porte, se leva en s'écriant sans se retourner. « Te voilà, mon brave ami. Je ne l'attendais qu'à 9 heures. Le chemin de fer ne t'a pas trop fatigué ?» Quand il fit volte-face et qu'il aperçut Cormier, ce fut une autre note. « Comment, c'est toi ? » dit-il d'un ton bourru. « Qu'est-ce que tu viens faire ici ?»« Vous demandez pardon de tous les ennuis que je vous ai causés. »« Il est bien temps, ma foi. Ah, tu peux te flatter de m'avoir fait passer 24 heures agréables. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et c'est à cette heure que tu viens me faire des excuses ? Tu tombes mal. Ma soirée est prise. Je n'ai pas pu venir plus tôt. Hier, j'ai couru après Mirande toute la soirée, sans parvenir à le trouver. C'est aujourd'hui seulement que j'ai pu le voir, et il a décidé à se présenter au cabinet de votre fils. Il y a resté 2 heures. Je sais ça, Charles sort d'ici. Et j'ai attendu que Mirande revînt. Je viens de le quitter. Tu ne peux donc pas te passer de lui. Je voulais savoir quelle décision votre fils avait prise à son égard. Eh bien, tu dois être content, et ton Mirande aussi. Charles a cru devoir le laisser libre sous caution. Il a eu bien de la bonté. Moi, j'aurais envoyé ce fier à bras couché au dépôt de la préfecture. Et je ne dis pas que je ne t'y aurais pas envoyé aussi. Enfin, ça le regarde, cet excellent Charles. Ah, il ne prend pas le chemin d'avancée, mon cher fils. Encore une affaire qui s'annonçait bien, une affaire superbe, qui s'en va en eau claire. Ce n'est pas ma faute si le prétendu assassinat n'était qu'un duel, dit Paul, en souriant à demi. Parbleu, je ne te le demande pas, mais je dis que Charles n'a pas de chance, et que toi et ton animal d'ami, vous en avez 10 fois plus que vous ne méritez. Avoue que tu en es quitte à bon marché. Oui, si j'en suis quitte, il n'y a pas d'ordonnance de non-lieu. Et il n'y en aura pas, je te l'ai déjà dit. Ce qui vous sauvera, c'est qu'on ne trouvera pas de juré pour vous condamner. Qui sait si cet homme n'inventera pas quelque chose contre nous? L'homme qui t'a dénoncé, on ne le croira pas. Charles a eu sur lui, à la préfecture de police, des renseignements détestables. C'est un chenapan de la pire espèce. Et il a essayé de me faire chanter. Quand ça? Hier, avant de venir au palais. Il m'a écrit pour me demander 10 000 francs en me menaçant de me dénoncer, si je ne les lui donnais pas. Il a assisté au duel et il m'a suivi jusqu'à ma porte rue Gay-Lussac. Pourquoi n'as-tu pas dit ça à Charles? Je me réserve de le lui dire plus tard, murmura Paul, qui n'avait garde d'avouer qu'il s'était tu parce qu'il craignait que ce coquin ne s'attaquât à la marquise de Ganges. Tu en auras prochainement l'occasion, car je crois bien que Charles ne tardera guère à te faire appeler de nouveau. Il a encore un tas de choses à te demander et à t'apprendre. Il a reçu la réponse au télégramme qu'il avait adressé au parquet de Nice, il connaît le nom de l'homme que ton Mirande a tué. Ah, il connaît, balbutia Paul, comment s'appelait ce malheureux ? Paul ne le savait que trop, mais il restait dans son rôle en feignant de l'ignorer. Et Bardin, sans remarquer qu'il se troublait, s'écria : Parbleu, je ne me suis pas amusé à le demander. Qu'il s'appelle Pierre ou Jacques, qu'il soit marquis ou commis voyageur, c'est toujours un homme mort. Et tu as aidé à l'expédier dans l'autre monde, en servant de témoin à ton joli camarade. Allons, pensa Paul, il n'a pas encore été question de Madame de Ganges. Pourquoi que ce brunachon ne la dénonce pas ? Et dire, reprit Bardin, que tu t'es mis dans ce pétrin, juste au moment où il n'aurait tenu qu'à toi de faire un mariage magnifique. Elle va te coûter cher, ton incartade. Un mariage ? Je ne songe guère à me marier. Bon, mais j'y avais songé pour toi. Ah oui, l'héritière dont vous m'avez parlé chez maman, mais vous m'avez dit que vous en étiez encore à la chercher. Oui, je t'ai dit ça dimanche, mais depuis, il y a eu du nouveau. J'ai reçu des nouvelles ce matin. Elle est retrouvée, l'héritière aux 6 millions. Où se cachait-elle donc ? Demanda Paul, pour dire quelque chose. Cette découverte qui semblait passionner le père Bardin le touchait médiocrement. Et s'il faisait semblant de s'y intéresser, c'était pour flatter la manie du vieil avocat. « Je n'en sais rien encore, » reprit le bonhomme, « mais je sais qu'elle est à Paris. »« Diable, c'est vague. »« Jusqu'à présent, oui, mais demain je saurai où, dans quel quartier, dans quelle maison. »« Est-ce que vous la ferez chercher par la police ?»« Fille donc, je sais maintenant à qui m'adresser pour me boucher avec elle. »« Tu le saurais comme moi, si tu n'avais pas oublié son histoire, que je t'ai racontée dimanche dernier, en dînant avec toi chez ta mère. » »« J'avoue que je ne m'en souviens pas très bien. » Il s'agissait, je crois, d'une jeune fille qui habitait le département de l'Hérault. Oui, à Fabrègues, un village pas très loin de Montpellier, et qui a disparu depuis plusieurs années. Disparu, c'est-à-dire qu'elle a quitté le pays en même temps qu'une personne qui s'intéressait à elle. Une demoiselle de grande famille, une demoiselle de Marcillargues. Je t'avais même prié de demander à ce Mirande s'il la connaissait, lui qui est du Languedoc. Je le lui ai demandé, et je me rappelle très bien ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit qu'il avait entendu parler de la famille, mais qu'il n'avait jamais vu la jeune fille qui portait ce nom. Tout ce qu'il en sait, c'est qu'elle était très jolie, très riche, et qu'elle avait le malheur d'être paralysée d'une main. Paralysée ? C'est la première fois que j'entends parler de cela, dit Bardin. Mirande doit se tromper. C'est possible. Du reste, elle a disparu aussi, celle-là, à ce qu'il paraît. Et Mirande croit qu'elle est morte. Elle est vivante et très vivante. Elle habite Paris, qui plus est, et elle nous dira où est sa protégée. Sa protégée, c'est l'héritière ? Parbleu. Seulement, elle ne savent ni l'une ni l'autre l'histoire de l'héritage que je t'ai raconté. Et nous avons des raisons de croire que la protégée ne vit pas dans l'opulence. Les millions vont lui tomber du ciel. C'est pour ça que j'avais pensé à te la faire épouser. J'y penserais encore si tu n'avais pas pris soin de te rendre impossible en te fourrant dans cette mauvaise affaire. Nous ne pourrons pas décemment lui proposer d'épouser un garçon qui va passer en cour d'assises un de ces jours. Ce serait, je crois, tout à fait inutile. Mais pourquoi parlez-vous au pluriel ? Vous dites « nous ». Parce que je ne serais et ne puis être en cette affaire qu'un auxiliaire. C'est mon vieil ami l'Estrigou qui en tient tous les fils. Et lui seul peut l'amener à bien. Un avocat de Montpellier, je crois ? Oui, un ancien bâtonnier de l'ordre, qui va sur ses 73 ans et qui a été longtemps l'avocat de la famille de Marcillargues. En dépit de son âge, il a pris la chose à cœur. Et voilà un mois que nous échangeons des lettres à propos de l'orpheline. Il est tout à fait dans mes idées sur la nécessité de la marier promptement et convenablement. Je lui avais parlé de toi, et il n'avait pas dit non. Maintenant, il faut en rabattre. Tes chances ont baissé de 50%. Corbier eut un geste d'indifférence, et Bardin reprit avec humeur. « Oui, je sais que tu t'en moques. Tu préfères continuer la vie qui t'a mené où tu en es. Eh bien, je te prédis que tu regretteras de l'avoir manqué par ta faute, ce mariage que je t'avais trouvé. » « Vous en parlez comme si je n'avais qu'à me présenter pour le faire, » dit Paul en souriant. « Il me semble qu'il serait bon de consulter d'abord la principale intéressée. Ça, je m'en chargerai. D'accord avec ce brave Lestrigou qui m'est tout dévoué et qui userait de son influence sur la dernière des Marcillargues. Je croyais qu'il l'avait perdue de vue. Oui, depuis qu'elle s'est mariée. Mais maintenant qu'il sait où la prendre, il aura vite fait de redevenir ce qu'il était autrefois, son ami, son conseil, presque son tuteur. » Et le mari ? Il aura bien voix au chapitre, je suppose. Le mari ne vit plus avec sa femme, et elle se gardera bien de le consulter. Il ne s'est d'ailleurs jamais occupé de l'orpheline de Fabrègues. Si tu plaisais à la protectrice, tu plairais certainement à la protégée. Vous me permettez d'en douter, et de vous faire observer que vous raisonnez comme si cette jeune fille n'avait jamais vu le monde. Quel âge a-t-elle donc ? 20 ans, peut-être 22. Je ne sais pas au juste. L'Estrigou te le dira. L'Estrigou ? Mais il est à Montpellier. Il arrive ce soir, je l'attends. Il faut que le train ait eu du retard, car il devrait déjà être ici. Comment, à son âge, il s'est décidé à faire un si long voyage ? Mais très bien, il se porte comme le Pont Neuf, l'Estrigou. Et puis la chose en vaut la peine. 6 millions qu'il apporte à une pauvre fille qui ne s'en doute pas. Il a pris assez de peine pour la trouver. Il tient à se donner le plaisir de lui annoncer cette grande nouvelle. C'est trop juste. Alors, il ne lui a pas écrit, ni à cette dame non plus. À personne qu'à moi. Et il n'a pas perdu de temps, car il n'y a pas de jour qu'il sait où demeure la protectrice. La protectrice seulement ? Ça suffit. La protégée ne sera pas difficile à découvrir. L'Estrigou a des raisons de croire qu'elles n'ont qu'un seul et même domicile. La dame doit être assez grandement logée pour donner l'hospitalité à une amie pauvre. Du reste, nous parlons là fort inutilement, puisque tu ne te mets pas sur les rangs. Et tu n'as peut-être pas tort, au moins pour le moment. Quand ta mauvaise affaire sera arrangée, si elle s'arrange comme je le souhaite, nous recoserons de l'héritière. Bardin s'interrompit pour prêter l'oreille à un bruit de roue qui lui arrivait d'en bas. « Une voiture qui s'arrête à ma porte, dit-il. À cette heure-ci, ce ne peut être que l'Estrigou. »« Alors je vous laisse, murmura Paul. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vous gênerai pour recevoir votre ami. Je reviendrai demain, si vous le permettez. » « Et non, reste, Grandigot, dit Bardin, qui ne boudait jamais bien longtemps le fils de Madame Cormier. Je vais toujours te présenter à l'Estrigou. Il aime les jeunes gens. Il sera enchanté de te voir. Et puis, ça ne peut pas nuire qu'il te connaisse. Tu es bon à montrer. Après, nous verrons. On ne sait jamais ce qui peut arriver. » C'était bien l'Estrigou qui arrivait dans un de ces fiacres à 4 places et à grilles qu'on ne trouve guère qu'au gare des chemins de fer. Il n'en fallait pas davantage pour mettre en émoi la paisible maison de la paisible rue des Arquebusiers. Le portier, prévenu par Bardin, s'était précipité hors de sa loge pour aider le cocher à décharger la malle de l'ancien bâtonnier, du barreau de Montpellier. Quelques fenêtres s'étaient ouvertes, et on voyait des têtes de locataires, curieux d'assister à ce débarquement. Paul regarda aussi, et vit descendre un grand vieillard sec comme une allumette, qui, en 3 enjambées, disparut sous la voûte de la porte cochère. Bardin s'était précipité dans l'escalier pour courir au-devant de son vieil ami. L'Estrigou grimpait si vite qu'ils se rencontrèrent à mi-chemin. Ils entrèrent, en se tenant par la taille, dans la salle à manger, où Paul les attendait. Et l'Estrigou commença par battre un entrechat pour montrer que le voyage ne l'avait pas fatigué. C'était un type que ce vieux basochien. Desséché par le soleil du Languedoc, il n'avait que la peau et les os, avec une petite tête ronde comme une pomme de canne au bout d'un long corps qui se remuait tout d'une pièce, une tête éclairée par 2 petits yeux noirs, percés comme avec une vrille, et brillants comme 2 tisons ardents. « Eh, dit-il, sais-tu que tu es bien logé ici ? T'y rappelles-tu les temps où nous perchions sur les gouttières, dans une vieille cassine dès la rue, dès la pomme ?» Bardin, jadis, avait fait sa première année de droit à Toulouse, où son père était alors employé de l'enregistrement, et c'était là qu'il avait connu l'Estrigou. « Ah, je crois bien, dit en se frottant les mains le vieil avocat. » Et il ajouta sagement, « Mais si tu te lances dans les souvenirs de notre jeunesse, tu n'en sortiras pas. Tu dois avoir faim. Une faim des loups, des Cévennes. J'ai n'aimé, suis rien mis sous la dent, depuis les buffets des Vierzons. Eh bien, mets-toi à table et mange, mon ami. Attaque cette terrine de Nérac que j'ai achetée à ton intention. Demain, mon cordon bleu te cuisinera un cassoulet, dont tu me diras des nouvelles. » « Tu es donc toujours gourmand ? Je n'ai pas perdu mes bonnes habitudes, et j'ai encore bon appétit. » Tu pourras t'en convaincre à déjeuner, mais ce soir je ne te tiendrai pas compagnie, j'ai dîné. Tu as bien fait, mon petit, et je vais t'y rattraper, mais je ne veux pas être incivil, et avant d'aimer mettre à table, tu vas m'y présenter, c'est Junhomme. » Le Junhomme, c'était Paul, qui mourait d'envie de rire, en dépit de ses chagrins et de ses préoccupations. « C'est le fils de Feu Cormier dont je t'ai souvent parlé dans mes lettres, dit Bardin, et dont la veuve est restée mon amie. Tu goûteras tout à l'heure d'un certain corton qui sort de sa cave. » « Monsieur, permettez-moi de vous serrer la dextre, » dit l'Estrigou en tendant la main à Paul, qui ne demandait pas mieux que de fraterniser avec ce joyeux compatriote de son ami Jean de Mirande. « Tel que tu le vois, mon cher, » reprit le papa Bardin, « ce garçon fait sa 3e année de droit. Je ne répondrai pas qu'il n'ait eu que des boules blanches à ses examens. Mais il sera reçu avocat tout de même. » « Tous confrères, alors, » s'écria l'Estrigou en s'attablant. « Pardieu, nous allons rire, à des mains, les affaires sérieuses. » Ah oui, l'héritage. Tu l'as dit, Bardin, dès mon cœur, j'ai ta porte ces coquins d'héritage. Tout est en règle. Je n'ai fait plus qu'à me faire une heureuse. Mais ton jeune ami ne sait pas de quoi il est question. Je lui en ai dit un mot en t'attendant. Ah, bien fait. Ce n'est plus un secret. Demain, j'y verrai l'héritière, et dans peu des jours, toutes les gazettes en parleront. Elle est capable d'en devenir folle, ta petite payse. Lui as-tu écrit, au moins, pour la préparer à recevoir la tuile d'or qui va lui tomber sur la tête? Je sais bien que je ne pouvais pas. C'est vrai, tu n'as pas encore son adresse. Es-tu sûr qu'elle est à Paris? Si je n'en étais pas sûr, je ne serais pas venu.